11-26, observation, pronom personnel, le, la, les. 1. Mireille voit le jeune homme. Elle le voit. 2. Le jeune homme remarque Mireille. Il la remarque. 3. Le jeune homme remarque les yeux de Mireille. Il les remarque. Dans 1, le remplace le jeune homme. Le jeune homme est un nom masculin singulier. C'est le complément d'objet direct du verbe « voit ». Le est un pronom objet direct masculin singulier. Dans 2, la remplace Mireille. Mireille est un nom féminin singulier. C'est le complément d'objet direct du verbe « remarque ». La est un pronom objet direct féminin singulier. Dans 3, les remplace les yeux de Mireille. Les yeux est un nom masculin pluriel. C'est le complément d'objet direct du verbe « remarque ». Les est un pronom objet direct masculin ou féminin pluriel. Remarquez que ces pronoms sont identiques aux articles définis « le »,« la » et « les ». Il y a liaison et élision avec ces pronoms, comme avec les articles définis. Élision. Mireille aime beaucoup le Luxembourg. Elle l'aime beaucoup. Liaison. Le jeune homme aime beaucoup les yeux de Mireille. Il les aime beaucoup.